Jardinier, semez-vous, simplement nous sommes ici en ce beau lundi pour ouvrir une certaine émission, n'en sachant pas plus sur le terrain que nous allons emprunter. Plaçons une petite mélopée que l'on appelle le thème musical. Enchaînons-nous avec deux beaux titres qui vont tenir l'émission, qui vont propulser, qui vont amener au zénith toute cette énergie qui risque de monter, de nous émaner, de nous auto-pénétrer. Avant de s'exciter, on va écouter ça. Elle est bonne. La frappe à bord. Aujourd'hui, le lundi 29 janvier. Monte le volume. 29 janvier. Monte le volume et hume la différence. C'est parti, mes petits amis. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné. Frank, mon ami. Place-toi devant le micro, s'il te plaît. Si tu es prêt, mon ami? Mon ami! On va ouvrir pour Frank, là, le shirt futuriste rétro. Ouais, je le sais, avec son chapeau, ça fait comme couper le vent. C'est excellent dans ce beau temps du mois de janvier de couper le vent. Alors, êtes-vous prêts, les musiciens? 1, 2... Ils savent pas compter en français. Waouh, ouais! Waouh, ouais, oui, oui! Non! Est-ce qu'on peut respecter le Bill 22, la loi 101? Ça vous dérange pas? Ladies and nobody, Frank Sinatra, 1, 2, 3, yeah! Oh yeah! Bonne soirée à tous! Life is dull, it's nothing but one big lull. Then presto, you do a skull and find that you're reeling. She sighs and you're feeling like a toy on a string. And your heart goes ring-a-ding-ding, ring-a-ding-ding, ring-a-ding-ding. How could that funny face that seemed to be commonplace project you right into space without any warning? Don't know if it's morning, nighttime, winter, or spring. What's the difference? Ring-a-ding-ding, ring-a-ding-ding, ring-a-ding-ding. She takes your hand, this captivating creature, and like it's planned, you're in the phone book looking for the nearest preacher. Life is swell, you're off to that small hotel, and somewhere a village bell will sound in the steeple, announcing to people love's the loveliest thing. And the bell goes ring-a-ding-ding, ring-a-ding-ding, ring-a-ding-ding. Thank you. She grabs your hand, this captivating creature, and like it's planned, you're in the phone book, hunting for the nearest preacher. Life is swell, you're off to that small hotel, and somewhere a village bell will sound in a steeple, announcing the people love the loveliest thing. And the bell goes ring-a-ding-ding, ring-a-ding-ding, ring-a-ding-ding, ring-a-ding-ding, ring-a-ding-ding, ring-a-ding-ding, ring-a-ding-ding. Please don't talk about me when I'm gone. Oh, honey, though our friendship ceases from now on. And won't you listen if you can't say anything real nice? It's better not to talk at all, that's my advice. We're split, you go your way, I'll go mine, it's best we do. Here's a kiss and I hope that this brings lots of luck to you. Well, it makes no difference how I carry on. You remember, you can't talk about me when I'm gone. Yeah. Now what I mean is this. I am getting sick and tired of everybody telling me what I gotta do. Now, I'm gonna preach this morning. Now, do you hear me? I'm gonna tell it like it is. Now, people say to me, I don't like your tight pants. I say to them, oh, really? I go to the south of France. Some cat says, you should have been in the north of France. But I tell you one thing, my philosophy is simple. Everybody in his own bag. Different strokes for different folks. I'm gonna give this girl a kiss. I hope that this makes her do the boogaloo. Makes no difference how I carry on. Won't you remember? Please don't talk about me. Please don't talk about me. Please don't talk about me when I'm gone. You to talk about me. Don't say a mumbling word about me. When I'm gone, I'm gone. Savez-vous qui nous venons d'entendre? Savez-vous? Un album mythique, un album que vous devez avoir si vous croyez posséder la discothèque la plus essentielle de votre existence respective, comme disait Daniel Boucher. Eh bien, s'il vous faut un seul album de ce chanteur, danseur, comédien, homme... tout terrain. Moi, j'étais un homme tout terrain. Moi, je peux vous réciter toutes les fables de la Pompaine. Je peux également vous chanter les chansons de Boris Bédin, Boris Bian. Vian, Nian, Vian, Vian, Vian. Allez, viens! On va... Je peux vous chanter du Boris. Et puis Boris Bergman également, pas de problème. Toutes les compositions de Boris Bergman pour vous les interpréter. Moi, je suis un gars à tout faire. Je peux même vous clouer sur votre siège en vous faisant frémir comme la saucisse et tout autre aliment que vous pouvez placer sur une poêle chauffante où vous avez placé, bien sûr, auparavant même de l'avoir mis sur le feu, de l'huile. Mais moi, je vous conseille fortement du beurre salé. Parce que le beurre salé, savez-vous l'histoire du beau beurre salé? Pourquoi on mange du beurre salé? Pour le transport. À l'époque, ça prenait pas deux semaines, là, pour le deux jours, 25 heures, deux ans. Non, ça prenait pas de 15 secondes. Ça pouvait prendre 6 mois pour que ton beurre arrive chez vous, mais même pas chez vous, dans ton pays, le Québec. Imagine, ça part, au moins ça part. Non, mais c'est quand même bien de te dire, ouais, mais vous pouvez pas, tu peux pas suivre ça sur Internet à l'époque. Non, il n'y en avait pas d'Internet, tes enfants. Ah non, c'est Internet, là, c'est des affaires de technologie. Puis aujourd'hui, technologie dit, réduisons le temps. Comme disent certains patrons, le temps, c'est de l'argent. Ben oui, le crotté, si tu veux prendre, il faut... T'as deux choix. C'est pas compliqué, t'as deux choix. Il n'y a rien de dur. Il y a bien quoi? Oui, j'espère qu'il y a quelque chose de dur. De durable. Mais durable. Ben, le... Avant, je vais vous dire ce que vous avez entendu. Après, on va déraper. On a déjà commencé, hein, madame? Oui. D'accord. Heureusement que c'est plus filmé, cette émission-là, actuellement, à l'heure où on se parle, où mes oreilles m'entendent moi-même. Parce que je m'entends moi-même. Savez-vous, pour les gens qui ne captaient pas l'émission depuis depuis le temps du siècle, le temps du nouveau, le temps du bourgeois nouveau. C'est pas le temps du bourgeois nouveau, là. Allez pas voir ça. Surtout, allez pas goûter ça. Vous allez vous faire avoir. On joue beaucoup là-dessus, le Beaujolais Nouveau. Mais ce que vous avez entendu, c'est Sammy Davis Jr. Le seul album... Ben, vous savez que ça coûte cher, la vie, là. On peut pas avoir tous les disques du monde, de la planète. S'il vous en faut un, ben, c'est très simple. C'est 1966. Ça a été redigitalisé, remasterisé, placé au goût du jour et surtout de votre sono. Et ça s'appelle Sammy Davis, Buddy Rich, The Sound of 1966. Ou, c'est ça. The Sound of 66. Là, je sais, on réfléchit fort, là. On réfléchit, là. Non, je vous entends. Je vous entends réfléchir, parler des coups. Je vous entends chanter, Là, vous vous dites 66, c'est quoi? C'est-tu un code que je dois prendre pour mon prochain, ma prochaine loterie? Parce que moi, je crois qu'écoutez, là, bon, la vie, c'est ça, là. On travaille. Ça, c'est beau, le travail, c'est beau. Ben, c'est beau, ça dépend, là. Mais, ben oui, mais ça dépend si c'est bien fait. Si c'est pas bien, il y a deux façons. C'est soit que vous le faites rapidement et d'une manière brouillon, ou que vous vous appliquiez. Puis si vous vous appliquez aujourd'hui, on va vous dire, ça, le 11, c'est pas compliqué, là, c'est pas Madame Tremblay qui connaît rien à rien, qui a perdu le goût de l'eau et celui de la conquête. Parce que son amour, son merveilleux amour, est en train de cuire au four à 350 avec un oignon dans la mouche. Mais écoutez, quand c'est plus utile, ces affaires-là, tu fais cuire ça, tu manges ça. C'est ben, pas du cannibalisme. Cannibalisme, est-ce que... Il faudrait que je regarde la signification véritable du cannibalisme. Cannibalisme sans relish avec moutarde, ça devient-tu encore du cannibalisme? Puis du cannibalisme, est-ce que c'est manger de la chair sans la faire cuire? Sinon, là, ça commence à devenir de la gastronomie, là. Tu sais, son petit dernier, là, 32 ans à la maison, devant sa télévision, à jouer avec des jeux prétentieux, puis se croire le maître de l'univers, puis le soir sortir habillé en noir. J'ai rien contre le noir, je suis habillé en noir et je suis presque noir de rage. Ce qui pourrait être actif. Non, mais actif autrement, là. Ouais, oui, exactement. Madame Thibodeau, elle est toujours en train de rigoler. Elle est drôle, cette dame-là. Elle est drôle. Ah, oh, elle est drôle. Elle est bizarre. Pourquoi elle rit de même? Qu'est-ce qu'elle veut cacher? Quand tu ris, tu caches quelque chose. Mais pas le rire qui arrive comme ça, là. J'allais dire un rire pompeux, mais non, c'est pas un rire pompeux, mais pas un rire improvisé. Tu sais, toujours, il y a des gens qui ont toujours le... Tu dis bonjour, ça va bien, ça va bien. Le petit voyons. Voyons, que se passe-t-il? Y'a rien. Monte pas dans les aigus, peux-tu tomber dans le trombone? Je te conseille de... Parce que le trombone, il y a deux choses utiles. Si tu sais pas en jouer, tu peux pisser dedans. D'uriner, pisser, uriner, il n'y a pas de vulgarité dans le terme pisser, dans le verbe pisser. Pourquoi? Si dans le dictionnaire on met pisser, il n'y a pas un dictionnaire de la vulgarité, un dictionnaire de comment dire, du bien dit, du bien mentionné et de... Non, c'est fini tout ça, là. Tout est fini, tout est à recommencer, c'est le cercle de minuit. Minuit 17. Minuit 18. C'est le cercle. Le petit hamster dans sa petite roue qui tourne et qui tourne et qui tourne. C'est ça. Tu tournes. Mais moi, quand je tourne, malheureusement, je réfléchis. Et quand je... Aimez-vous ça, hein, ma petite... je sais que le public va se dire, « Hey, Rénal, vas-tu prendre ta voix de la norme? » Mais qu'est-ce que la norme? 3 points de suspension. Sinon, mes amis, ça va très bien. Je veux vous proposer quelque chose d'assez extraordinaire ce soir, comme d'hab. Hey, quand tu raccourcis, c'est quoi? Soit que tu manques de salive, tu manques de vocabulaire ou tu manques de temps. Comme d'habitude. Imagine-toi Claude-François qui chante « Comme d'hab, je vais faire semblant comme d'hab. » Pourquoi tu prends pas le temps de nous faire entendre ta voix, tes mots? Arrête de couper. Coupe plus. Gouvernement coupe d'anteau, peux-tu quand même élaborer le terme, élaborer le mot, élaborer la structure langagière que tu veux utiliser, car la structure langagière, ça devient lourd, cette émission-là, c'est lourd, ça, 350 livres. Moi, la semaine dernière, là, quand j'ai écouté ça, c'était au moins 600 livres, hein? C'était sous mon toit. Oui, sous mon toit, et surtout sous mon... vous savez, moi, j'ai des petites... tout est miniature, hein? Actuellement, 2018, tout est miniature. Tout l'été avant, ben avant. Pas avant, là, mais avant. Parce que quand tu dis avant, tu recules. Plus tu recules, plus c'est avant. Plus c'est avant, plus c'est derrière. Plus c'est derrière, plus c'est ancien. Plus c'est ancien, plus c'est pas maintenant. Plus c'est pas maintenant, plus c'est... rétro! J'aime ça le mot rétro. Pourquoi on dit vintage? Hey, t'as un micro vintage, man! C'est pas vintage, moi, c'est rétro. J'aime bien. J'ai un micro rétro. Je peux voir en arrière avec ça, moi, là. Ne passe pas ta vie sous le rétroviseur. Hey, attendez. Hey! Deux choses l'une. Alors, c'est pas compliqué, c'est deux choses ou une autre chose. Je veux reprendre une chanson, j'ai entendu ça hier, je la chantais, je l'avais en sein, s'il vous plaît, merci beaucoup, bonsoir, à la prochaine. Alors, soit que je vous parle en cherchant sur un site de recherche. Quand tu cherches, est-ce que c'est sur des sites de recherche? Normalement, quand c'est cybernétique, oui, là, mais sinon, c'est dans ma tête. Ou que je passe une pause musicale et que je vous reviens. Une pause et je vous reviens. Ah, il y a une chanson de Claude, de William Scheller, de Claude. J'allais lancer le même Claude Nougaro, mais non, mais William Scheller. Vienne. C'est beau. Mais je l'ai pas sous la main. Je l'ai pas sous le pied. Je l'ai pas sous le fessier. Je l'ai pas devant les yeux. Donc, en un mot, je l'ai pas là. Donc. Oh, une petite chanson. Ah, ben oui, celle-là. Ben oui, hey, ça m'inspire. Ça suit un peu les deux que l'on a entendus, c'est-à-dire Frank Sinatra et Sammy Davis Jr. Un classique, je le sais. C'est mais c'est pas si poussiéreux, c'est pas brûlé, c'est pas fini. Là, j'ai deux choix, mais pour le côté stéréo, puis nous amener un peu de chaleur, même si c'est dans le drame, selon le groupe, on va entendre California Dream. Comment? California Machine Emery. Qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est le titre. C'est de Mamas and the Papas avec la chanson California Dreamin'. Et monsieur, ton anglais est comme ton français. Douteux. Avec le temps, il a séché. Mais il s'appelle encore Séchant. J'aime les filles de chez Renault. J'aime les filles de Citroën, j'aime les filles des hauts fourneaux, j'aime les filles qui travaillent à la chaîne. Si vous êtes comme ça, téléphonez-moi. Si vous êtes comme ça, téléphonez-moi. C'est de l'anglais. J'aime les filles ados, j'aime les filles ados, j'aime les filles à papa, j'aime les filles à lotte, j'aime les filles sans papa, j'aime les filles de Mégève, j'aime les filles de Saint-Tropez, j'aime les filles qui font la grève, j'aime les filles qui vont camper. Si vous êtes campé, pas crampé, là, madame, oui, vous crampez régulièrement, pas de problème. Votre problème, c'est la tubulaire, c'est la 17. Crampez plus avec la 17, on vous a dit, on va vous la masser, on va vous la dilater, on va vous la remettre droite. Pas compliqué, ça, là, mais restez calme. Vous êtes trop... Vous amenez votre dos à vous supporter autant le côté physique que le côté émotionnel. Vous n'êtes pas facile à vivre, madame. Je voulais pas non plus, là, vous... Non. Madame. J'aime les filles de chez Castel. J'aime les filles de chez Régine. J'aime les filles qu'on voit dans elles. J'aime les filles des magazines. J'aime les filles de La Rochelle. J'aime les filles de Camarade, nous sommes ici ce soir pour nous réunir, histoire de nous réunir. Nous n'avons rien à vous proposer, rien à vous dire, rien à vous... Non, nous ne sommes pas là pour vous endoctriner, surtout pas. Uniquement pour nous voir et nous dire bonjour, bonsoir, comment ça va, comme ça, mais pas comme si, non, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, mais là, la pitoune, elle est plus comme ça. Je l'ai quand même huilé, on m'a dit. Oui, on sait que t'as une belle console. Oui, arrêtez de vanter ma console. Oui, ça va faire des envieux, des envieuses. J'ai la belle console. Puis c'est elle qui me console. Quand t'as une console qui te console, c'est quand même très bien parce que normalement, mon émission est quand même moyennement intéressante. Mais ma console me la rend sublime. Tu sais, quand je passe mon doigt pour enlever la poussière sur ma console. Ben, ma console, elle dit, écoute, la semaine prochaine, ça va être meilleur. Ouais, je sais que ton vocabulaire était limité. Bon, puis je tiens aussi à te dire, parce qu'elle me parle, là, tu sais, je tiens à te dire aussi, là, que ton... que ton travail intellectuel était également très limité. Mais bon, je vois quand même un certain jour nouveau où tu pourras dire à tes auditeurs, auditrices, à tes amis qui t'écoutent. Ça coûte rien d'écouter, mais ça demande une présence intellectuelle, même pas physique, parce qu'au téléphone, ouais. Tu sais, quelqu'un peut te parler, là. Hey, j'ai quelque chose à dire. Ouais. Là, je suis un peu gêné. Ouais. Tu sais ce qui est arrivé à mon petit dernier? Ouais. Mais il voulait pas se jeter en bas. Ouais. Mais il est pas mort, hein? Ouais. Mais là, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ouais. Mais t'es-tu... M'entends-tu? Ouais. OK. Est-ce que je te dérange? Ouais. Oh, qu'est-ce que tu faisais? Ouais. Ouais quoi? Ouais. Ah, tu faisais du calcul? Ouais. Bon, quand c'est dans le moins, c'est pas dans le plus. Ça veut dire que la personne était devant son compte de banque. Moins. Yeah. Elle est en train de dépressuriser. Elle était négative, là. Elle suivait son compte. Moins. Moins, hein? C'est quand même douloureux, là. Tu t'en vas là-dedans, tu te promènes dans la rue, moins, moins. Quelqu'un t'arrête, ça va, madame? Moins. OK. Pourquoi vous disiez moins? Parce que moins, moins. Dans la vie, il y a des choix, plus ou moins. Hein, la pile, une batterie. En anglais, une batterie, une pile, une chose qu'on rentre, là, puis que... Quoi que c'est... Il y a beaucoup de choses qu'on rentre. Surtout la fin de semaine. On a le temps, la fin de semaine, de rentrer des affaires. La semaine, on fera ça la fin de semaine. On n'a pas le temps, On va rentrer, mais là, il faut sortir. Faut sortir pour aller travailler, gagner de l'argent, de l'argent, le mot argent, C'est urgent, l'argent, là. Pour certains, l'argent, c'est très, très, très précis et très drastique. Il faut de l'argent et c'est d'une manière urgente. On perd notre vie devant l'argent, mais c'est l'argent qui mène le monde. Il faut... Mais mon petit dernier, lui, écoute, il fait un bac en littérature française, il faut pas d'argent. Ah, il est intelligent. Oh, mon... les connaissances, il y en a de la connaissance, lui. Ah, mon... il me met sans connaissance. Ah, sans connaissance. Devant lui, là, j'ai l'air d'un... d'un garlop-bobeur. Garlop-bobeur. Les tapeurs de bobeur. Les ballons de bobeur. Les berlines de bobeur. Les grands six pieds qui... 18 cm, en tout cas en 100 mètres, je sais plus, moi, là. Hey, moi, je suis là pour faire de l'argent, puis le petit veut faire des études. Littérature française. Hey! Boissy, Morlot, Molia, Mario, Marien. Ah! Il me connaît un peu, hein. Tu sais, moi, je fais un peu d'humour, parce que pour vivre avec lui, coûte cher. Des études, hautes études en littérature française. À un moment donné, il m'est arrivé comme ça, tu sais, j'avais pris une bière ou deux pour les placer dans le frigo, parce qu'il boit de la bière en littérature française, hein. Ils boivent de la bière, eux autres, en littérature française. Mais je me disais, ça va être du vin, tu sais, c'est plus noble. Là, il m'a dit, hey, papa! Ben, il dit, pas papa, il dit, il dit, ah, papa! Je dis, moi, il va faire écouter maman de papa. Mais c'est ce qui s'est passé il y a quelque temps, hein? Mais non, mais c'est pas ça, excuse-moi. Là, il me dit, hey, papa! Là, on dit, hey, papa! C'est moi! Littérature française. Oh oui! Juste une petite blague comme ça en passant, là. Molière. Pour les gens qui m'écoutent depuis... Si vous m'écoutez depuis 12 ans, vous la connaissez. On va la faire ensemble. Comme disait Molière, Molière dure aujourd'hui! C'est vulgaire. La littérature française, est-ce que c'est vulgaire? C'est bourgeois. C'est bourgeois en Saint-Cyprien. Ça me coûte cher, là. La bourgeoisie me coûte cher. Vas-tu trouver un petit travail, Anaya, à travers ça, là? Laver de la vaisselle dans un restaurant? Placer du monde dans un restaurant? Faire de la cuisine dans un restaurant? Vas-tu te lancer à quelque part? Vas-tu pouvoir te vivre moi-même, tout seul, heureux avec mon petit salaire, là? Ça a bien l'air qu'actuellement, je suis condamné jusqu'à la fin de tes études. Je pensais, moi, là, excuse-moi. Je sais qu'on pense pas, arrête de me regarder de même. Je croyais de faire de toi un artisan, quelqu'un qui travaille de ses mains, rapidement. Qui pourrisse à l'université. Pardon? Ah non, je suis pas en train de... Élie me l'a dit. Avec cet enfant-là, tu vas faire un autre... une personne étrange. Puis toi, mon petit, on voit bien que t'es pas non plus, hein? Là, je me dis, voyons donc, quoi? Moi, je suis pas non plus. Mais t'es pas non plus. Je suis pas non plus quoi? T'es pas non plus, là, dans la... Dans la quoi? Dans la... Dans la quoi? Dans la... Vas-y, dis-le! Lui, il voulait pas. Il était bloqué. Tu sais, blocage intellectuel. Quoique lui, intellectuel, c'est fort pour lui, là. Tu es un artiste, là, intellectuel. On peut dire, bon, le, hein, il y a le sens. Il y a la création intellectuelle où ça vient de la tête. C'est bien certain, Mme Thibodeau, là. Je veux pas dire... Mon Dieu, vous êtes bien prime. C'est vrai, je vous reconnais même plus sur vos photos. Que se passe-t-il? D'où venez-vous? Oui, j'ai des invités. Mon émission a toujours des... Écoutez, on part pas pour Paris. 8 jours dans l'année. Puis on se tue pas à rencontrer des artistes. Parce que là, c'est exigeant, cette affaire-là. Là. Ça paraît pas, mais c'est exigeant. 8 jours, 45 rencontres à discuter avec des gens qui ont des choses à te dire. Puis surtout, qui t'envoient de l'énergie. Toi, à un moment donné, t'en as moins. Tu dors pas parce que... Avant ça, là, m'a te raconté un peu, mon ami. À 13 heures, je continuais à boire des expressos. À boire des allongés. À boire du café, là, qui en équivaut... Ici, au Québec, un café de restaurant, c'est... Ouais, c'est... Alors, c'est peut-être 8-9 fois un café de restaurant. Puis là, je me demandais le soir, pour comment ça, je dors pas, puis je me gratouillais, puis ding, ding, ding, ding, ding, et j'avais l'imaginaire, là, pff, monter au galop. Là, le lendemain, j'arrivais, alors, monsieur, je vais prendre un expresso. Un expresso, j'arrivais une demi-heure avant. Pour me donner l'énergie. Puis j'ai rencontré mes deux amis. Mais c'est pas là que je vais vous en parler. C'est dans 4 minutes et 50 secondes. In this city, the kid's my favorite. I see him every day. Seeing him run outside looking for a place to hide from his father, the kid half naked, and said to myself, oh, what's the matter here? I'm tired of the excuses everybody uses. He's their kid, I stay out of it. But who gave you the right to do this? We live on Morgan Street, just 10 feet between, and his mother, I never see her, but it screams and cursing. I hear them every day. Threats like, if you don't mind, I will beat on your behind. Slap you, slap your silly name. Say, oh, what's the matter here? I'm tired of the excuses everybody. Since he's your kid, do as you see fit. But girl, there's still that I don't approve of what you did to your own flesh and blood. We'll be right back. guess he's your king. Do as you see fit. But get this through their time. Don't approve of what you did to your own flesh and blood. If you don't sit in your chest straight, I'll take this bout from around my waist. And don't you think that I won't ever see an answer to me and take your time. What could be the offer crime he could do it so young in age? If I'm the only witness to your madness, offer me some words to balance out what I see and what I hear. Of you've given him these cuts and sores that don't heal with time or relief. And I want to say, I want to say, what's the matter here? But I don't dare say, what's the matter here? But I don't dare say. Oui, mais eux, l'intérêt, c'est que... Ben, je sais pas si c'est un intérêt, là. Tu prends un mot très, très fort, là. Tu le places au zénith, je sais. Mais c'est 10 000 maniaques. X. 10 000 maniaques. Sentez-vous le en anglais? C'est important, là. Je vous dis 10 000 parce que je ne sais pas comment le mentionner en anglais, là. Je sais que c'est 10 en anglais. 10, 0, 0, 0 maniacs. Et puis, j'ai l'album. Moi, j'ai l'album. Voilà. Laurie. Pas la chanteuse. Non, vous n'entendrez pas la chanteuse, Laurie. Ne vous en faites pas. Ouais, il y a Garou qui m'a dit hey, boy, okay. Mais j'écoute. C'est produit par Peter Asher. Puis c'est en gros le derrière. Je veux pas dire que le derrière de Peter Asher est gros. Mais lorsque tu regardes, c'est des enfants qui tirent de l'arc. Parce que là, oui, c'est vrai, l'album, c'est In My Tribe. Que ça veut dire. Et puis, le pire, c'est que c'est vrai. Tu sais, je peux vous dire que in, c'est dans. In. Hey, en direct, là, tu montres que t'es un imbécile. Ça me dérange pas. Même, je me promène, là, je me dis, je suis un imbécile. Le monde dit, on le sait. Bon. In my. Non, parce que je, ça serait I. Pas pire, hein? Non, je suis pas si fini que ça, là. I. Donc ça fait mal l'anglais. Donc j'ai lu Peter Asher derrière. Pas son derrière, mais derrière l'album de 10 000 Maniacs. Puis là, je suis allé voir sur Internet pendant que mes amis chantaient. Ben, c'est une jeune fille aussi, là. C'est What's the Matter? Erect. Non, c'est pas un T, c'est un point d'exclamation. Ah, oh, ça exclame. What's the Matter? Ear. Bon. Fait que pendant que ça chantait, ça, cette affaire-là, cette affaire-là, le disque, là, je voulais pas dire le groupe, je veux pas avoir pas d'argent donné à des individus. Je suis allé voir Peter Asher. Belle carrière, le monsieur. Belle carrière, puis il faisait aussi de la musique, lui. Je vous en dirai davantage dans les semaines et dans les mois et dans les années à venir. Oh! Hey, tu vois loin. Moi, je projette. Moi. Dans la vie, je suis comme ça. Je fais de la projection. C'est pas vrai. Quand j'entends qu'il y a du monde qui dit « Hey, tu sais, dans 3 semaines, là, il va se passer ça. » Écoute, je peux-tu me rendre jusqu'à tantôt, là? Jusqu'à la fin de ma journée? Pas sûr d'aller plus loin, moi, là. Je sais pas ce qui peut m'arriver, moi. Chaud ici, une voiture flingue. Je sors d'ici. Je m'en vais sur le pont parce qu'il y a un beau pont devant chez moi. Je sais pas, il y a une voix qui dit hey, tire-toi en dedans, tire-toi en haut, tire-toi en haut. Là, je regarde ma voix, tu sais. Il faut toujours regarder sa voix. Comment tu fais pour regarder une voix? Ben, moi, c'est surround, hein, m'en dire, là. Moi, je suis haute définition. Bon. Tu peux savoir si ça vient de haut, de bas, d'en haut, d'en bas, de gauche à droite, hein, 85 degrés vers le sud-est de l'Amérique du Nord, d'Amérique française, québécoise. La solitude se perd. Non, mais c'est pas compliqué, celle-là, t'entends? Allô? Aujourd'hui, c'est pas quoi, hein? Tu te retournes, tu te retournes, tu te retournes. Tu te retournes pas, tu te retournes. En te retournant, tu la ouais. Tu la vois pas, là, tu la ouais. La ouais, tu la ouais. Tu vois la ouais. Tu pensais pas jamais voir la ouais. À un moment donné, tu étais à la radio. Tu écoutes la radio, tu dis, ah, oh, c'est beau, là, je m'emporte. Tu te laisses emporter, je m'emporte vers le... Hein? Là, t'as les yeux fermés, t'es couché dans ton lit actuellement, il fait noir, t'as les écouteurs. Là, je te dis, ouvre tes yeux, tu les ouvres, pis tu me ouais! Cauchemar, psychologue à volonté, il n'y a pas de spéciaux, je suis là pour vous faire... les poches. Et puis, sinon, aujourd'hui, redevenons... Parce que mes deux invités, là, comme disait Diane Dufresne, sont aussi flyés que moi. Sont aussi hors normes que moi. L'une, je la connais. L'autre, je le connaissais pas. Uniquement à travers les chansons et les interprètes qu'il a fait chanter. Alors aujourd'hui, le lundi 29 janvier 2018, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. C'est une excellente émission en passant. Je sais que ça pétille un peu, mais c'est normal. Faut laisser pétiller. C'est comme la boisson gazeuse. Quand il n'y a pas de pétillement, tu le retournes au magasin et tu dis « Hey, j'ai payé ça, un prix de mal de fou, de fou, de fou. Je suis un fou d'avoir payé ça aussi cher que ça. Il n'y a pas une bulle là-dedans. Qu'est-ce que vous avez fait? Ma boisson gazeuse, elle ne gaze plus. Pourquoi une boisson gazeuse ne gaze plus? » Là, tu vois deux policiers arriver, monsieur. Il y a un problème? Oui! Oui, il y a un problème. Il y a un grave problème. J'ai acheté une boisson gazeuse ici même dans cet établissement. Elle n'est pas gazeuse. Oui. Bon, écoutez, ils vont vous la rembourser. Non, monsieur, non. Il n'y a pas de remboursement. Pourquoi? Non. Arrêtez-moi, arrêtez-moi si vous voulez, mais non. Vous expliquer ce qui s'est passé. Je m'en vais au magasin. M'acheter une boisson gazeuse, pas deux, une boisson gazeuse. C'est écrit « gazifié ». J'arrive à la maison, je prends mon verre, que j'ai placé deux glaçons à l'intérieur parce que je veux que ça fasse de la bulle, puis je bois ça rapidement, bon, c'est pour le plaisir d'avoir des bulles. J'ouvre ma boisson gazeuse, ça fait pas « pish ». Bon, je me suis dit, il y a quelque chose, hein, tu sais... Peut-être que les planètes sont mal disposées ce soir dans la stratosphère. Tu sais, le 29, on sait pas qu'est-ce qui se passe le 29. Savez-vous, vous? Bon, le 29 janvier, on sait pas ce qui se passe. Ça fait que là, je prends mes deux doigts. Tu sais, pour diviser, donc ça fait pas... Je dis, ouais, très mauvais présage. Je verse ça dans mon verre avec deux glaces dedans. Aucun pétillement. C'était comme si je versais du café. Mais là... attendez, laissez-moi gonfler de même, là. Mais, hein, vous voyez, hein? J'ai pris des cours avec Al Pacino. Ça paraît, hein? Marlon Brando était déjà occupé ailleurs. En tout cas, ça fait que... Non, attendez, le côté dramatique, madame. Hey, on est là. Ça fait que là, je verse. Donc, c'était comme un café. Il n'y a pas de bulle. Mais là, j'étais vexé, j'étais troublé, j'étais pris pour un consommateur, plus con que sommateur. Fait que là, je suis allé, je me suis dirigé vers ici pour lui leur dire que ce qu'il m'avait vendu, c'était de l'eau, une boisson gazeuse qui n'était pas gazeuse. Comment prendre ça, monsieur? Vous, je sais que vous êtes dans les forces constabulaires, mais là, quand tu payes de ta propre poche, moi, je travaille, je travaille des heures et des heures pour m'acheter juste ça, là. Puis j'arrive chez moi, je mets deux glaces, ça pétille pas, qu'est-ce que vous allez faire, vous? J'ai pas de mitraillette, je ne suis qu'armé de mots, et dites-vous une chose, c'est que mes mots vaut plus que la bombe atomique. J'exagère pas, là. Je suis pas en train de prendre des nerfs, là. Là, je veux pas... Attends, Arthur, rentre pas chez moi. Non, mais parce qu'il y a des ondes, hein? Oui, exact. Oui, je suis centrifuge. Exact, vous voyez ça, hein? Non. Là, je tiens simplement. Non, pas me faire rembourser. Non, je ne veux pas me faire rembourser. Je ne veux pas non plus prendre une autre bouteille. Je veux que l'on me dise pourquoi ma bouteille n'a pas été comme indiqué sur la petite formule autour de cette merveilleuse bouteille. Pouvez-vous répondre? Hey, là, tout le monde était là autour. Hey, qu'est-ce qui se passe? Ben, écoute, on va vous dire qu'est-ce qui se passe, là. On est le 29 janvier. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Bon, ben, laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole au gestionnaire de nos entreprises en manque de direct. Comment? On comprend pas, là. Là, on dirait que tu manques de bulles. Ben oui. We'll be right back. traditions to the four winds. A new horizon appears. Turn the clock back, turn the tide. You're wrong, you're wrong, you're wrong. Greet your women arms open wide. You fools must make amends for the filthy lives you praise. Embattled women across the world will cheer when your temples we raise. Get strong, get well, get educated in shelter. Get strong, get well, get educated in shelter. Get strong, get well, get educated in shelter. Get strong, get well, get educated in shelter. Get strong, get well, get educated in shelter. Feed your children, feed your mind in shelter. Aujourd'hui, de la musique manouche avec l'auteur, compositeur, interprète qui nous fait danser depuis des années, qui nous fait rire, qui nous fait réfléchir, l'auteur, compositeur, interprète Stéphane Sanseverino, alias Sanseverino, à toi l'artiste. Herbert Léonard. mais ça ici c'est l'ancienne salle du CE de la SNCF. Ouais. Donc c'est l'ancienne salle, c'est l'ancien théâtre pour les gens qui bossent au train, ouais, quoi. Ouais. Donc c'est un truc d'ouvrier ici, quoi. Mais c'est bien parce que ouais. ça te rejoint. Les ouvriers, ouais. c'est la base. Et toi, tu fais de la base. Bah ouais, c'est un peu ça. Ouais. Ah oui. Je serai jamais président, moi. Non, heureusement. Heureusement, mais heureusement, parce que tu vas rester intègre. Quand tu rentres dans la machine, c'est là que tu commences à vivre la corruption. Ouais, bah c'est clair. Elle a créé. Elle a trouvé de la néo-corruption. Oui, la néo-corruption. toi, ton travail dans l'écriture, est-ce que ça s'est... on a parlé tout à l'heure, mais on n'a pas clarifié. Est-ce que ça s'est modifié ou si ton style change... dépendant. Des fois, j'essaie de changer de truc. Je me force à essayer un nouveau style. Okay. Par exemple, un truc un peu slamé ou un truc un peu comme ça ou avec une rythmique que j'utilise pas d'habitude. Alors j'essaie de faire ça, okay. mais j'ai pas l'impression d'évoluer quand je fais ça. J'ai l'impression de faire un exercice de style. Ouais, t'es plus dans l'étude. Oui. Non, oui. Pas alors, dans si, la libération. De... Alors si toutefois ça marche et que je garde la chanson, eh ben c'est bien. Ouais. Mais maintenant, ce que je pense, c'est surtout à écrire des trucs qui ont du sens et que je vais pouvoir retenir. La Camarde qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé les fleurs dans les trous de son émeu. Poursuit d'un zèle imbécile. Alors cerné de près par les enterrements, j'ai cru bon de remettre à jour mon testament, de me payer un codicille. Trempe dans l'encre bleue du golfe du Lion, trempe ta plume à mon vieux tabellion, et de ta plus belle écriture. Note ce qu'il faudra qu'il advienne de mon corps, lorsque mon âme et lui ne seront plus d'accord que sur un seul point, la rupture. Quand mon âme aura pris son vol à l'horizon vers celle de Gavroche et de Mimi Pinson, celle des titis, des grisettes, que vers le sol natal mon corps soit ramené dans un sleeping du pas. Rime d'Iterranée, terre, minus en gare de 7. Mon caveau de famille, hélas, n'est pas tout neuf. Vulgairement parlant, il est plein comme un œuf. Et d'ici que quelqu'un en sorte, il risque de se faire tard. Et je ne peux dire à ces braves gens, poussez-vous donc un peu, place aux jeunes, en quelque sorte. Juste au bord de la mer, à deux pas des flots bleus creusés, si c'est possible, un petit trou moelleux, une bonne petite niche. Auprès de mes amis d'enfance, les dauphins, le long de cette grève où le sable est si fin, sur la plage de la Corniche. C'est une plage où même, à ces moments furieux, Neptune ne se prend jamais trop au sérieux. Ou quand un bateau fait naufrage, le capitaine crie « Je suis le maître à bord !» Sauve qui peut le vin et le pastis d'abord. Chacun sa bonbonne et courage. Et c'est là que jadis, à 15 ans révolu à l'âge où s'amuser tout seul ne suffit plus, je connus la prime amourette. Auprès d'une sirène, une femme poisson, j'ai reçu de l'amour, la première leçon à balai, la première arrête. Déférence gardée envers Paul Valéry, moi l'humble troubadour, sur lui je renchéris, le bon maître me le pardonne. Et qu'au moins si ces vers valent mieux que les miens, mon cimetière soit plus marin que le sien, n'en déplaise aux autochtones. Cette tombe en sandwich entre le ciel et l'eau ne donnera pas une nombreuse triste au tableau, mais un charme indéfinissable. Les baigneuses s'en serviront de paravent pour changer de tenue, et les petits enfants diront chouette, un chat, tour de sable. est-ce trop demandé sur mon petit lopin de planter, je vous en prie, une espèce de pain, pain parasol de préférence, qui sort à prémunir contre l'insolation les bons amis venus faire sur ma concession d'affectueuse révérence. Tantôt venant d'Espagne, tantôt d'Italie, tous chargés de parfums, de musique jolie, oh, le Mistral, la Tramontane. Sur mon dernier sommeil verseront les échos de Villanelle, un jour de Fandango, de Tarentelle, de Sardane. Prenant ma butte en guise d'oreiller, une ondine viendra gentiment sommeiller avec moins que rien de costume. J'en demande pardon par avance à Jésus si l'ombre de ma croix s'y couche un peu dessus pour un petit bonheur posthume. Pauvre roi pharaon, pauvre Napoléon, pauvre grand disparu gisant au Panthéon, pauvre cendre de conséquences. Vous envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances. Qui passe sa mort en vacances. J'ai un peu des problèmes de mémoire et j'ai du mal à retenir. Okay. Alors, je ne sais pas si je file vers la maladie, ouais, au nom allemand que, ouais, que ouais, nous ouais, ne citerons ouais, pas. Ouais, ouais, ma mère mais j'ai un peu du mal à retenir. Donc je fais des, j'essaie. Est-ce que c'est récent? Non, okay. J'ai toujours eu un cahier par terre. Quand tu es à côté de tes baskets à 10 ans, c'est pas grave, à 5 ans. Ouais. Donc moi, j'ai toujours un cahier sur scène, okay, par terre, et je tourne, okay, les pages soit avec le pied, oh, soit pas. Okay. J'ai pas encore de prompteur, non. Mais ça me fait envie quand même. Ouais, ouais. Mais c'est ça me fait envie. Ouais. Plus, hein. Non, mais c'est ton organisation, le prompteur. Ouais. Le prompteur, non, le vrai prompteur, il faut avoir un suivi. C'est quelqu'un qui le fait. Ouais. Donc ça veut dire quelqu'un en plus dans l'équipe. Ouais. Donc on m'a déjà proposé ça. Mon producteur, il m'a dit sauf que si tu veux quelqu'un, ça rentre pas dans l'enveloppe du début qu'on parlait tout à l'heure. Donc, alors t'enlèves un musée puis tu mets ça. Donc j'ai un cahier par terre avec une toute petite lampe et tout. Il y a des gens qui voient que j'ai ça, d'autres pas. En tout cas, je les connais par cœur, mes chansons, mais de temps en temps, j'aime bien jeter un coup d'œil quand même. On sait jamais, on sait jamais aussi. Ouais. Tu sais, quand tu t'emportes, tu peux oublier, tu peux... Ouais. Mais est-ce que tu poursuis ou c'était du genre arrêté par commencer? Ben non, normalement, je poursuis pas. Ah oui. Ça va, François? j'ai justement un petit cahier pour pas m'arrêter, parce que si je m'arrête, je perds le truc d'après. Ah oui. Oui, alors ça m'est déjà arrivé de dire aux deux copains, François, il sait qu'il joue de la basse avec nous. et de dire à François et Stéphane le batteur, je dis, oulala, je me suis trompé, on reprend au début. Ouais. Donc ça, on se le fait, nous, on est trois. Voilà, ça n'arrête pas. Ouais. Je vendais des plaquettes anti-moustiques pour régler mes problèmes de fric, on dirait des petits buvards chimiques, des hosties anti-allergiques. À l'époque où j'avais 30 ans, je remplissais ma tête tout le temps avec des trucs qui donnent de l'espoir mais t'empêchent de dormir le soir. Je flippais la crainte, c'est bien normal, d'une vie minable, interminable. J'étais au moins aussi mal à l'aise qu'un biker en photo dans une R16. Mais je vous raconte ma vie. Avant ça, j'ai connu une femme très belle qui vivait en perfecto chez elle. Elle faisait son ménage en blouson, sans savoir à quoi servait le savon. Elle clinait comme une clinique sa boutique, l'aspirateur en avait peur. C'était une maniaque cette cousine, et quand elle briquait sa cuisine, elle frottait avec des os à moelle pour que ça brille plus que les étoiles. Mais elle était tendre comme un coup de latte, elle m'a quitté pour un mec de droite. Mais je vous raconte ma vie. Mais encore avant ça, quand j'étais petit, je traînais des collants en garderie. J'avais la même vie que le grand môme, mais en 100 fois beaucoup moins drôle. Je traînais du côté des curés, pas assez du côté des traînés. Ils me racontaient la vie de Jésus, sa mort, et quand il est revenu, moi j'y croyais. Comme j'étais petit, j'avais déjà de la peine pour lui. Si on me racontait ça maintenant, je rigolerais de toutes mes dents. Mais je vous raconte ma vie. Je vendais des plaquettes anti-moustiques pour régler mes problèmes de fric. Avant ça, j'ai connu une femme très belle qui vivait en perpétuo chez elle. Et encore avant ça, quand j'étais petit, je traînais des collants en garderie. J'avais la même vie que le grand monde, mais en 100 fois beaucoup moins drôle. Mais je vous raconte ma vie. Mais quand vous êtes un groupe qui fonctionnait constamment comme ça, vous avez juste à vous regarder du coin de l'œil puis c'est fini. Oui, là. Puis nous on se connaît depuis longtemps maintenant. Puis vous êtes des amis. Et on s'est choisis, ouais. C'est ça. Ouais. Vous êtes apprivoisés. Ben oui. Ça prend rien. Si toi, exemple, t'es grippé, l'autre va t'aider. Donc, c'est de la communication. Ben oui, de toute façon, ça doit être ça sur scène. Hein. Ouais. Celui qui voit l'autre qui se gourre et puis qui continue, c'est un rat mort. Non. Ah bah, il sait pas. Alors, c'est peut-être sa culture. Hein. Je me rappelle que dans les musiciens classiques, il y a ça. Hein. Le gars qui a pas chanté au bon moment, de toute façon, la partition, elle continue. Hein. Ouais, on revient pas au début de la mesure. Enfin, quand tu te plantes, tu te plantes. Tu te plantes, tu te plantes. Donc, c'est à toi de te rattraper. Ouais. Alors que quand tu te rattrapes, ben, tu dis pas des choses que tu as oublié de dire. Donc, t'enchaînes. Bon, c'est ça. Bon, ces trucs-là sont pas très graves. Parce que ça fait un petit bordel, quoi. C'est tout. C'est pas. Puis là, nous, ça nous arrive plus jamais de s'arrêter parce que le morceau, il va pas, quoi. Est-ce que ça t'arrive quand le spectacle va bien, il y a des rappels, que tu fasses. Que tu utilises une chanson que tu n'as jamais pratiquée? Non. Non, okay. Non, j'ai trop peur de qu'on se vautre. OK. Non, si je fais ça tout seul. Okay. Et je la chante tout seul comme ça. Okay. Je vais chanter des fois des trucs des Bee Gees comme ça, tout seul, ça, sans accompagnement. Tu sais, quand les gens collent pour un rappel. Ah oui, oui, non, ça, on a de la... Okay. Et j'ai une ruse pour arrêter les rappels, moi, que c'est pas moi qui ai inventé. Okay. Hein. C'est de faire une dernière chanson hyper calme. Ah oui, le et là, de faire « Mount Swan, Black Rainbow ». Du coup, là, les gens, ils se disent « Ouais oh, ». Okay, là, ça veut dire « On s'arrête ça ». On va commencer par... Ouais. C'est la même technique que de casser les amplis et la batterie, sauf que c'est moins cher. Oui, c'est ça, c'est à la punk version punk. Ouais. Ouais, quand t'as tout brisé, ben là, tu peux pas continuer. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un coup là-dessus. Donc, il n'y a plus de musicien au bout du compte, il y a juste le chanteur et la guitare. Oui, voilà. Mais je suis quand même pour moi le concert bien compact d'une heure et demie, 1h45, okay. qui s'étale pas. Je trouve que j'ai déjà joué pendant longtemps, au bout d'un moment les gens ils perdent. C'est comme quand tu joues dans des festivals où tu joues par exemple à minuit et les gens ils sont là debout devant toi et devant les autres groupes depuis 16 heures. Ouais. Donc ils auront fait en tout 16 et 24, pratiquement 8 heures debout à écouter de la musique et à regarder les changements de plateau. Ouais. Et ben franchement je leur dis bravo moi. C'est vrai. Parce que... Préfères-tu chanter en plein air ou en... Non j'aime mieux les salles. Ok ouais. Le son est... Bon ouais le son. Puis tu peux parler hors micro, tu peux. Bon, je fais des festivals extérieurs parce que c'est le truc de l'été, et puis que des fois c'est très sympa, mais franchement, je réponds tout de suite les salles. Il avait dû être missionnaire, courir la jungle avec sa croix. Son encensoir en bandoulière, la Bible en main, etc. Il traînait les pays chauds, forêts vierges et panthères, le soleil, cactus, grands oiseaux, des vautours ou bien des pivers. Ses jambes maigres et austères sortaient raides d'une robe de bure, tombait comme deux piquets de corner dans la pelouse de ses chaussures, dont un croque-mort et sa tolérance légendaire n'aurait même pas voulu pour creuser des tombeaux cimetières. Discrète dans les gares de triage, il dormait dehors sous les trains, Il faisait des petits boulots de passage, payés de la main à la main. Il bouffait des spaghettis en boîte. On l'appelait la pasta boogeyman. Traveling down the road. Mais ailleurs, dans le monde, les feuilles des arbres poussent. La végétation prend sa place, recouvrant les ruines et la mousse. Et comme la moquette d'un palace, que piétinent notables et touristes, néo-écolo, opportuniste, loufia, concierge et bagagiste. Autrefois son corps était soigné, torse et bras longs et propres, visage émacié et creusé, barbe à la Zizi Top. Bien plus fringant alors, le cheveu coupé court et son costard de lin lui tombait impeccablement bien. Discret dans les gares de triage, il dormait dehors sous les trains. Il faisait des petits boulots de passage, payé de la main à la main. Il bouffait des spaghettis en boîte. On l'appelait le Pasta Boogeyman. Traveling down the road. De triage, il dormait dehors sous des trains. Il faisait des petits vélos de passage, payés de la main à la main. Il bouffait des spaghettis en boîte. On l'appelait Pasta Boogeyman. Traveling down the road. Jamais d'histoire avec des filles, pas non plus des tas d'âmes. Sec comme un paquet de lentilles, affûté comme une lame. Derrière lui passent des trains de céréales modifiées, citernes de lait pour enfants sages, de moins en moins sevrés. Il se fait réchauffer une carcasse de lapin sur une grille de caddie. Barbecue des bifins, cuisine des dés. Mais toi, au tout début, quand on a commencé à parler, tu m'as dit j'ai plein de projets, donc tu n'arrêtes jamais. Non, c'est la lutte contre le sommeil. C'est ça? Oui, c'est ça, ouais. J'ai tout le temps des idées de trucs qui me viennent comme ça. J'adorerais faire un disque de Western Swing. Ah ouais. Voilà, tu vois, et de ce truc-là. C'est vrai, mais ça n'a pas été fait. Non, parce que c'est le Western Swing, c'est un peu comme la musique manouche. Ouais. C'est un peu comme comme certaines musiques de bal. C'est tout comme la musique allemande de la fête de la bière. Ah, c'est ouais. Un peu entre les deux. Ouais. Si tu te gourres, ça peut être très ringard. C'est vrai. Et si tu le fais avec finesse, alors c'est réussi. Mais c'est pas si facile que ça. Et les groupes de Western Swing, ils sont composés de beaucoup de musiciens. Il y a vraiment basse, batterie, guitare, deux violons, un accordéon, une steel guitare, un piano. Quelquefois l'ukulélé aussi. Oui, aussi. Ouais, quand ouais. Même, le ukulélé, c'est le son de... Ouais. Est-ce que des fois, ça te surprend la réaction des gens? Après autant d'années. Oh bah oui, heureusement. Ouais. Parce que sinon je me dirais, regarde là, ils vont rire. Oh, et, c'est ça. Et ça, c'est d'être un professionnel, et ouais. ça me fait vomir. Ouais. Tout est prévu. C'est comme c'est le gag minute des mecs du stand-up, quoi. Après, il y a des gens qui sont très drôles. Ah, ouais. Et très incisifs et corrosifs et tout. Mais ce truc d'avoir tout prévu à l'avance, je l'ai dit. C'est pas vraiment. Moi j'aime pas.

là, par exemple, le gars, il me propose de jouer ici, hein, mon spectacle tout seul. Ouais. Et ben, je lui dis, ouais, à l'aise, super. Okay. Alors que c'est un hall, quoi. Mais ah, bon, oh, c'est, ouais, ouais. C'est le son, il est traité et tout, mais... Mais c'est spécial. Et dans des trucs difficiles, franchement, dimanche, on a joué en Belgique dans un petit club où il y avait un poêle à bois à côté et tout. On s'en serait cru chez vous bien, là-bas, c'est là. Bien. Ouais, ouais, ouais, okay. Bon, ils ont été obligés de couper le poêle quand les gens sont rentrés parce que sinon ils avaient 1000 degrés. Ouais. Mais attends, je regarde juste un truc. Quoi, oui, oui, on va bientôt finir cette Varenal. Non, c'était tout petit. Moi, j'avais la cymbale qui était ici, là, dans les côtes. Et puis lui, il avait mon ampli qui était là. Ce qui compte, c'est les gens, en fait. Alors, tes projets, t'en as plein? J'en ai plein, oui. Alors, j'ai deux trucs-là. J'ai trois trucs en route. Ouais. Qui est une deuxième tournée de chansons de François Béranger tout seul. Oui. D'accord. Ah oui, oui, oui. Et quel homme extraordinaire. Hein? Ouais. Au Québec, on n'entend pas parler, sauf à CKRL, ma radio. Ouais. Des fois, à Radio-Canada, mais sinon, c'est... Puis même, en France, à Paris, c'est jamais joué. Non, bien sûr. On connaît pas, c'est... Pourtant, je rencontre... Là, j'en suis à ma 140e date de concert en solo de Béranger. Je rencontre que des gens qui connaissent. Je rencontre des vieux et des jeunes qui disent « Putain, mes parents, ils me faisaient écouter ça quand j'étais petit. Ça me gavait. » Et maintenant, je trouve qu'on dirait que c'était écrit il y a une semaine. C'est vrai. Quel est ton disque préféré de Béranger? Je crois que c'est « Le monde bouge » ou « L'alternative ». Ah, j'ai une série de 3-4, hein. C'est toute celle qui est où il y a Jean-Pierre Alarcène. Okay. Je crois que c'est « Le monde bouge ». Ah oui, moi c'est la chaise. Ah oui, c'est sublime. Anesthésie. L'ennui, anesthésie. Ouais, la chaise, elle est sublime. C'est merveilleux, c'est un joyau. C'est un joyau. Ouais. Mais c'est vrai, il y a Rachel là-dedans. Oui. Il y a la gigue de la reine d'Angleterre. Exactement. Oui. C'est mon premier disque. C'est classique, c'est bien. Ah oui, alors là. Je mesure aujourd'hui combien favorisé j'étais quand je travaillais chez Petit Louis. Habillé en cours sur scène dans l'entreprise modèle, je participais à l'expansion. À 5h du matin, levé comme à l'aveugle, se lever, avaler son café, s'enfoncer dans le noir, prendre le bus d'assaut, piétiner dans le métro, c'était le pied. Anastasie, l'ennui, anesthésie. S'engouffrer au vestiaire, cavaler pour pointer, enlever sa casquette devant le chef, faire tourner la machine, baigner toute la journée dans l'huile polluée, quelle santé. Surtout ne pas parler et ne pas trop rêver, c'est comme ça que les accidents arrivent. Et puis le soir venu, repartir dans l'autre sens, vers le même enthousiasmant voyage. Anastasie, l'ennui, anesthésie. Heureusement un jour sur pont de Sèvres Montreuil, dans le bain de vapeur quotidien, dans la demi-conscience, au hasard d'un chaos, j'ai senti dans mon dos tes deux seins. Je me suis retourné, je t'ai bien regardé, et j'ai mis mes deux mains sur tes seins. Tu m'as bien regardé et tu n'as pas bronché, bien mieux, tu as souri et j'ai dit Anastasie, l'ennui, anesthésie. Tu t'appelais Ernestine ou peut-être Norine, mais moi je préfère Anastasie. On a été chez toi, ça a duré des mois, j'ai oublié d'aller chez Petit Louis. Qu'est-ce qu'on peut voyager dans une petite carrée, on a été partout où c'est bon. Et puis un soir comme ça, pour éviter l'ennui, on a décidé de se séparer. Anastasie, l'ennui, anesthésie. Et la morale de ce tango tout à fait utopique, c'est que c'est pas interdit de rêver. C'est que si tous les prolos au lieu d'aller pointer, décident que le jour de s'arrêter et d'aller prendre leurs pieds ou ce que ça leur plairait. Ça serait bien moins polluant que l'ennui. Y aurait plus de gars comme moi, comme j'étais autrefois, qui se répétaient tout le temps pour tuer le temps. Anastasie, l'ennui m'anesthésie. J'en suis à mon deuxième album de reprise de Béranger là. Ah, moi je pensais que j'en avais juste un. Okay. Ouais, il y en a un qui va sortir bientôt là. Ok, c'est ça, ok. Ouais, okay. Qui s'appelle Joue pas avec mes nerfs. Oh, voilà. Intéressant. Après, j'ai bien aimé toute la partie après la partie fusion là. Ouais. Où il y avait Gérard Cohen et puis Jean-Pierre Alarcène et tout. Et j'ai... Mais je préfère ces compos là. Paris Lumière, c'est ma chanson favorite. Ah, ouais. Elle fait 18 minutes oui, sur oui, le oui. disque et c'est la... Je la chante des fois tout seul. Si, je la fais. 18 minutes, ah ouais. Ouais. Je la fais tout seul à la gratte, donc c'est un peu moins long, ça fait 9. Mais est-ce que c'est J'ai raccourci certains trucs. Ok, mais pas celui de 18 minutes. 18 minutes. Non, c'est-à-dire que je fais pas toutes les parties. Okay. Ah oui, okay, tu vois, là, okay. là où c'est fusion instrumentale, je le fais pas. Okay. Je fais que le texte. Ça fait quoi, à peu près 8 minutes? Ça fait un truc comme ça, ça fait 8-9, pardon. Mais l'accueil du public vis-à-vis un chanteur qui est quand même mort depuis quoi 20 ans. 20 ans, ouais. Ouais, 2003. Ça. Ouais. Est-ce que c'est accueilli Ici, les gens ils me disent merci de refaire ces chansons-là. Ouais. Alors moi je leur dis mais pourquoi vous me remerciez? T'es con quoi, c'est un plaisir. C'est moi qui devrais vous remercier de payer l'entrée, comme ça je peux vivre des chansons de Béranger. Ouais. Ça fait carrément partie de mon salaire, les chansons de Béranger. C'est vrai. C'est la moitié de ce que je gagne. Ouais. Donc évidemment les droits d'auteur vont à sa famille, tant mieux pour eux. Ah oui, ben oui. Et moi je récolte les cachets de concert. Et surtout tu relances un peu l'énergie de Béranger. Ouais, et puis je les adapte à ma manière, moi, c'est-à-dire à ma sauce, c'est-à-dire plutôt folk blues, ce genre de truc-là. Ouais. Ça réveille un peu plus les anciennes chansons. Et puis Béranger, il avait sa façon de chanter à lui. C'est vrai. Il était très sobre et très sévère, ouais. comme on dit. Oui. Alors, c'était pas le roi des conneries sur scène, même s'il avait de l'humour. Ses chansons sont pleines d'humour, mais lui est très sérieux. Voilà, exactement. Quoique l'humour, ça sert aussi pour les humoristes. Bon, oui. Mais moi, je suis plus lâché dans les chansons de Béranger, j'invente des trucs, je fais des les gens ils sont contents de ça. Après il y a des intégristes qui me disent ah ben non, Béranger il n'aurait pas fait ça, alors ceux-là je leur dis merde, et puis Béranger aussi leur aurait dit merde, donc on est d'accord. Mais avant de se quitter, est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent voir Béranger, le spectacle de Béranger? Bah oui, il y a des gens, c'est j'ai à peu près un... coucou Stuche. J'ai à peu près de 200 à 400 personnes 2-3 fois par semaine. Ok. Et il y a des jeunes, des plus vieux, des... C'est a priori des gens qui ont des cheveux blancs. Ok. Mais il y a aussi des jeunes qui viennent me voir parce qu'ils savent pas. Tu sais, des fois les gens ils regardent pas les affiches. Ouais. Ils savent pas qu'ils pensent qu'on vient jouer là en big band ou que c'est la première tournée. Ouais, ouais. Donc j'annonce généralement. Ouais. Je leur dis, je commence par dire, je vais chanter une chanson de Béranger et c'est tout. J'en fais pas une seule à moi. Ouais. Et puis les gens qui n'ont pas écouté cette phrase, ils me disent, elles sont bien c'est vos chansons. Alors je dis, je leur dis, c'est pas les miennes, c'est des chansons d'un autre. Ouais. Et je réexplique tout ça après quand on se rencontre. Avant de se quitter, mais ça c'est vrai, là, est-ce que tu mets Béranger en contexte pour les gens qui ne le connaissent pas ou est-ce que tu racontes un peu son histoire? Oui, très très vite. Okay. Je dis que c'était un libertaire et pas un libertin. Ouais. Et je dis que c'était un mec qui moi ce que j'admire c'est lui, c'est sa liberté totale. Ouais. et le fait qu'il ait zéro compromis. Ça lui a coûté beaucoup d'être sans compromis. C'est vrai. Mais c'est beau après. Après, lui, il m'a déjà dit, je me rappelle, et l'époque où j'allais au Québec, Béranger m'a dit, putain, t'as de la chance d'aller au Québec. Ouais. J'aurais bien aimé d'avoir un manager qui m'amène là-bas, moi. Ouais. C'est vrai, il n'a jamais mis les pieds non, au Québec. Non, non. Il me l'a dit ça. Ouais. Je suis content de te le dire à toi. Oh, il m'a dit, le Québec, putain, j'aimerais bien y aller, moi. Ça doit être bien là-bas. Moi, je dis, tu sais, il fait froid. Hein. Oh, c'est surfait. Ça, c'est le mois de juillet. au mois de juillet, il fait beau. C'est au mois de janvier. Mais vraiment, merci d'être passé à mon émission. Non, je t'en prie, C'est fabuleux. Puis écoute, nous, on t'écoute à CKRL, t'es diffusé. Radio-Canada, t'es diffusé. C'est sûr que dans les grandes chaînes commerciales. Comme oui, on a les mêmes ici. C'est ça, exactement. Donc, bonne route. Si tu passes par Québec, tu nous fais signe. Ouais, absolument. Et puis. Ouais. On va dire pour ce soir, merde. Yeah. Parfait. Je réponds en allemand. Oui, exactement. est-ce que je peux prendre des photos? Oui, bien sûr, parfait. Avec plaisir. Bon, je te laisse à tes... Ouais, j'y vais là maintenant, à l'instant. À tout à l'heure, Renal, on reste après pour se boire un coup. Ah, si on va prendre des photos. Oui, maintenant. Ah. C'est le corps entier plein d'amertume qu'il déboulait de la mer Noire. Il dormait sur le bitume. Il avait les mains noires. Il avait un sourire gentil sous le pont de Chantilly. Dans un duvet à deux balles, on dort mal. Il avait fui le régime soviétique, l'Ukraine ou bien je sais pas quoi. Il faisait la manche au feu rouge. Puis il est mort dans le froid. On a balancé ses affaires dans un sac poubelle gris. Il a eu le même enterrement que le petit Grégory. Ben ouais, ça fonctionne, mais tu te caches derrière moi. Bon, viens, on recommence. Non, non, ok. Alors, faut que je me mette là, alors. Ouais, comme ça, ouais, ok. Ok, merci. Hey, merci, t'es vraiment. Allez, à tout à l'heure, là. T'es super cool, à tantôt. Ouais, à tantôt. C'est génial. Pour se rendre utile et pas serrer à l'action, il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en évitant les coucous, se donnent le soin en gesticulant sans arrêt. Les mains toujours au bout des bras, brasser inutilement. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Je gaspille mon énergie, je multiplie les efforts pour ne pas avoir tort. Être faux pour mieux faire vrai, c'est bien, mais c'est beaucoup de travail pour rien. C'est beaucoup de travail pour rien, et ça, ça fait mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. S'agiter dans tous les sens devient une espèce de sixième sens, c'est bien. Je multiplie les n'importe quoi, hey, je me fais taper sur les doigts. Faire des pieds et les mains, c'est le pied, mais ça, ça fait mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Je viens d'aller comme ça sur le devant juste pour voir vos gueules en fait, parce que on n'a pas souvent l'occasion de voir la gueule de ses clients. Et là, ici on voit bien ce qu'on a allumé de partout et tout pour juste pour ça en fait. Merci, c'est bon. Et voici une chanson qui va certainement vous rappeler la canicule vu qu'elle s'intitule « À l'enterrement de ma grand-mère ». De premier arrivé, il était venu sans faire exprès, né dans un hôpital en grève, dans sa canette il n'y avait pas de fèves. C'est pas qu'il était malchanceux, ni qu'il était très malheureux, ses lunettes en plastique marron lui faisait un peu une tête de con. L'autre avait l'air d'un bon Barbie, assez gentil, mais ahuri, avec ses mocassins indiens, son costume clair et son pépin. Il fait sûrement s'appeler machin, ça tourna, ou bien Alain, son mère, ça va, mais pas très clair, le faisait ressembler à Tony Blair. À l'enterrement de ma grand-mère, on marchait tous vers le cimetière, on enterre pas les gens. À l'enterrement de ma grand-mère, on marchait tous vers le cimetière, on enterre pas les gens. Ni dans les rues, ni dans les champs. Derrière eux, il y avait des parents, je sais pas s'ils avaient des enfants. Petit lui, il voulait un chien ou un cousin américain. Comme il n'avait pas de jardin, alors il a eu un frangin, son visage triste lisait un peu une tête de gnome. Il était flanqué de sa femme qui ressemblait à Jean-Claude Van Damme. Elle était carrée comme un geek et tout le carnaval de Dunkerque était pas plus maquillé qu'elle. Les fontains et les faux Chanel lui donnaient cet air dégourdi d'un mercenaire travesti. À l'enterrement de ma grand-mère, on marchait tous vers le cimetière. On n'enterre pas les gens. À l'enterrement de ma grand-mère, on marchait tous vers le cimetière. On n'enterre pas les gens, ni dans les rues, ni dans les champs. Alright. À la fin de cet enterrement, on s'est retrouvé dans le restaurant d'un mec qui nous a parlé d'elle. Les soirs, on était si triste qu'elle buvait 12 apéritifs avant de rentrer pleurer chez elle. C'est le conseiller d'un chinois qui l'ont niqué père à saison. Tous ces gens qui étaient venus la voir une dernière fois au crématoire, c'était ses copains du quartier. Eux savaient qu'elle avait voté Mitterrand parce qu'il était bon. Et vu que c'était le roi du bonjour, sa tête de fouine lui donnait la même air que ma grand-mère. À l'enterrement de ma grand-mère, on marchait tous vers le cimetière. On n'enterre pas les gens. À l'enterrement de ma grand-mère, on marchait tous vers le... Ah, y'en a deux que j'ai pas dit. Chacun son Yves Morosi, chacun son Freddy Mercury. À l'enterrement de ma grand-mère, à l'enterrement de ma grand-mère, à l'enterrement de ma grand-mère. Il y avait deux choses que ma grand-mère aimait beaucoup, c'était de faire des espèces de grandes potées comme ça à la sauce tomate avec des morceaux de gras double qui flottaient et ça faisait... Ça flottait, elle aimait ça, ça c'était la première chose et la deuxième c'était celle-ci. Est-ce qu'elle est vraiment morte? Est-ce que c'est pas simplement une journée comme ça où elle va être enterrée puis en fait demain elle reviendra? Non! Il va falloir que je m'habitue à cette idée. M'en fous, j'en ai une autre! À l'enterrement de ma grand-mère, à l'enterrement de ma grand-mère, à l'enterrement de ma grand-mère. Hey. Un fameux bricoleur faisait en amateur des bombes atomiques. Sans jamais avoir rien appris, c'était un vrai génie. Question de travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences le soir. Quand il rentrait chez nous, il nous mettait en transe en nous racontant tout pour fabriquer une bombe. Mais enfin, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de cette qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache. Mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication, donc un rayon d'action de 3,50 m, y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Puis il met son kawaii, puis il y va. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il avalait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant le repas, voilà tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. Oh, à mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. À vrai dire, c'est plus un cerveau, c'est un peu comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis même pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où qu'elle tombe. Et y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Et puis il prend sa R16, puis il y va. Sans passer par une pute roumaine de 17 ans. Yeah.